Alléluia. Alléluia. Monisanke mbona yo mkosi. Obongina lokumu. Obongina kembo pena masanjo li mwenge bene. Nzambe ya solo teyo. Tofuka mi liboso na yo. Tukiti liboso na mkosi. Exactly. digne de gloire, toi qui as déversé ton amour dans nos cœurs, afin que nous puissions aimer comme toi.